François Riouard au microphone de CKRL 89.1. Et pour ce dernier segment de Futur Simple, je suis en compagnie de Marie-Claude Dionne qui nous parle ce soir de l'échange colombien, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Colombie, mais qui s'est assurément produit ici même à Québec. Bonjour Marie-Claude. Bonsoir François. Alors Marie-Claude, un échange colombien, qu'est-ce que c'est? En fait, on parle du nom colombien pour... Christophe Colomb. Et c'est une théorie qui est aussi connue sous l'appellation du grand échange. On peut parler des deux. C'est un terme qui a été inventé par l'historien Alfred Crosby dans les années 70. Et l'idée est qu'il y a eu un échange quand même assez grand, biologique, lorsque les Européens sont arrivés avec la découverte de l'Amérique. Mm-hmm. Un échange qui se veut un échange biologique, donc la faune, on parle de la flore aussi. Mm-hmm. Et Crosby va éventuellement faire évoluer cette hypothèse de départ quelques décennies plus tard en soulignant que les Européens ont été des impérialistes prospères en grande partie à cause des espèces, la faune et la flore justement, qu'ils ont apportées, de façon intentionnelle ou non aussi, dans le Nouveau Monde. Il va même jusqu'à appeler le Nouveau Monde la Nouvelle Europe. Okay. Autant qu'il y a des espèces qui vont s'acclimater super bien avec ce nouveau continent-là. Mm-hmm. En fait, c'est pas très sorcier, le climat est quand même plus ou moins le même qu'on parle de l'Europe centrale. Donc ça aide. Ça aide vraiment beaucoup. On parle de température, la quantité de précipitation aussi là, de part et d'autre de l'océan Atlantique est quand même assez semblable. Et pour mettre en lumière cette idée de Crosby, ce soir, je vous parlerai des résultats que j'ai lus récemment d'une étude des macro-restes sur l'îlot des Palais, qui est un site archéologique qui se trouve à Québec. Et le choix d'utiliser ce site comme étude de cas n'est certainement pas sorti de nulle part. En fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'étudier l'îlot des Palais? Mais en fait, tout d'abord, c'est un site qui a été longuement étudié. On parle d'une étude archéologique sur plus de 30 ans, si c'est pas même plus. On le connaît donc fort bien. On a une chronologie qui va se tenir debout, qui est attestée par plusieurs vestiges archéologiques, qui est assez varié aussi. Et juste pour la situer, la localisation du site, on parle de la basse ville. Oui. C'est entre le Cap au Diamant et l'ancien passage de la rivière Saint-Charles, qui est en fait un choix de prédilection pour des nouveaux arrivants. Et l'intendant Jean Talon va utiliser l'endroit pour la construction de bateaux. Donc, c'est un chantier naval et va aussi y installer la production de bière, sa brasserie. Effectivement. Et je dois préciser que si on a un chantier naval à cette époque-là, c'est loin d'être possible aujourd'hui. On est un petit peu décalé du chemin de la rivière Saint-Charles ou même du fleuve Saint-Laurent. C'est que la rivière Saint-Charles, à cette époque-là, va passer tout juste en avant du bâtiment de l'îlot des Palais. Donc aujourd'hui, c'est le passage de la rivière serait la gare du Palais, le marché du Vieux-Port aussi. Là, c'est donc dire qu'ils sont construits, ces deux bâtiments-là, c'est sur du Remblai présentement. Ouais. Mais là, on retourne en arrière. Vers 1684, les bâtiments vont être délaissés pour être utilisés par la suite par l'intendant suivant, donc l'intendant Desmeules, qui va y prendre résidence. Et là, ça va devenir un bâtiment vraiment où on va y habiter. Il va faire installer des jardins, un entrepôt. Il y a même une petite prison avec 4 cellules. Et en 1713, le palais de l'intendant va prendre feu, malheureusement, et on procède à une reconstruction. Et on va y annexer des latrines de 3 étages. Latrines, je rappelle, c'est des toilettes. Oui, c'est ça. Et il va y avoir des écuries aussi. Les nouveaux bâtiments vont être encore détruits, malheureusement, en 1775 avec l'invasion américaine. Et leurs sorts sont incertains. C'est un peu drôle à dire, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe à l'endroit pendant à peu près un siècle. Okay. Et on va retrouver à nouveau une brasserie, mais ça va être la brasserie Boswell, qui va être établie entre 1852 et 1971. Est-ce que c'est à la même place que se trouvait la brasserie d'or, à un moment donné? Oui, elle a changé de nom, exactement. Okay. Oui. D'accord, qui effectivement produit de la bière, mais qui en fait, un problème d'empoisonnement au cobalt. Il y a quelques morts, malheureusement. Effectivement. Alors, remets-nous un peu dans le contexte avant l'arrivée des Européens. Que retrouvait-on ou qu'est-ce qu'on ne retrouvait pas, finalement, en Amérique? Avant l'arrivée des Européens, les champs de blé, d'orge et de riz étaient inconnus dans le Nouveau Monde. De la même manière que la patate douce et le maïs étaient inconnus en Europe. Il y a vraiment eu un échange de part et d'autre. Donc, l'échange colombien, c'est justement pas fait seulement du côté de l'Amérique. On l'a aussi du côté de l'Europe. Mais ce soir, je vous parle qu'un de ces deux côtés-là des échanges, des nouveautés qui vont se faire ressentir du côté de l'Europe, juste pour quand même un peu aborder l'idée, c'est qu'on a juste à penser à l'importance de la patate qu'il y a eu pour les Irlandais pendant des périodes qui ont été plus difficiles. Donc, l'apport est quand même considérable de part et d'autre. Oui, tout à fait. Mais avec l'arrivée des nouvelles espèces en Amérique, les espèces indigènes disparaissaient. Pas soudainement. Ben non, exactement. On sait qu'ils vont demeurer en place, mais le fait étant que toute la place est donnée aux espèces introduites avec un grand succès. Alors pourquoi et surtout comment? Les espèces qui sont introduites ont nécessairement un excellent taux de fécondité, de ce que croit Alfred Crosby du moins, et donc ils vont se reproduire rapidement, mais qu'ils auraient aussi, ces espèces-là, un bon niveau de compétitivité. Donc on se retrouve certainement avec une période de cohabitation. Est-ce que ce que l'on observe sur le site, est-ce que c'est ce qu'on observe sur le site d'Îlot du Palais, finalement? Oui, dans une certaine mesure. Et c'est là l'importance d'étudier les sites archéologiques pour mieux comprendre des théories qu'on aurait déjà données il y a quelques années. L'étude sur le site a été entreprise majoritairement avec des restes de coléoptères, avec des insectes, et il y a quand même quelques vestiges de plantes. Dans la première période du site, soit la brasserie de Jean Talon, qui est entre 1665 et 1675, le biote, donc l'ensemble des organismes vivants présents sur le site, est principalement indigène. Donc, on en a très peu d'espèces qui sont européennes, si on veut. Le groupe écologique présent est celui qui va représenter une zone humide. On est sur le bord de l'eau, clairement. Mm-hmm. On va en retrouver le Bembidion scopulinum, qui est associé justement aux abords des rivières, qui ne sont d'ailleurs pas boisés. Et on va retrouver aussi le Crinitis moretta, qui lui est associé aux eaux qui sont plutôt stagnantes, peu profondes aussi. Et si on se déplace un peu sur le site, dans un autre contexte archéologique, mais sensiblement de la même époque, donc on parle du chantier naval, on va apercevoir aussi des espèces qui sont introduites autant que des espèces qui sont indigènes. Mm-hmm. Donc, on parle de faune et de flore confondues. On a donc des plantes qui sont associées à des environnements marins. C'est pas trop surprenant. On va penser à la lèche, donc le carex, ou la verveine. Et dans les insectes, on va retrouver encore une fois le Bembidion, qui est encore associé à des milieux aquatiques. On a aussi d'autres espèces qui vont être semi-aquatiques, des hydrophiles qui aiment l'eau, mais qui vont préférer quand même les rivages pour y pondre des œufs, surtout sur des morceaux de bois ou des feuilles mortes. Et pour les espèces européennes que l'on retrouve, on a aussi l'ortie royale et l'euphorbe réveil matin. Et encore une fois, on a des insectes qui vont être associés cette fois-ci à des présences de champs. Donc, on peut penser que la zone n'est pas encore beaucoup habitée, si on veut, mais on va avoir quand même des vraies espèces qui vont être associées à la présence humaine. Souvent, c'est des espèces qui sont reliées à l'entreposage de nourriture. OK. Donc, si on dessine un paysage avec tout cet assemblage, en fait, nous sommes dans un lieu près de l'eau, du bois, avec un milieu naturel, mais aussi avec un milieu teinté de la présence de l'homme. Que retrouve-t-on plus tard sur ce site-là? Quand on regarde un petit peu plus loin dans le temps, on arrive avec les entrepôts du roi qui sont construits vers 1725-1750. Et là, l'assemblage de coléoptères est vraiment un vrai mélange d'espèces qui sont introduites puis des espèces qui sont indigènes. Donc, on a des espèces qui vont être attachées à la présence de céréales. Là, j'en parle un peu. Là, il y en a vraiment beaucoup. On parle du Citophilus granarius et, on a qui va en fait confirmer la fonction d'ailleurs de l'endroit comme étant un lieu d'entreposage parce que c'est des espèces qui aiment le grain de céréales. Et on a aussi le même mélange d'espèces introduites et indigènes dans les latrines dans la même époque. Lorsqu'on compare les données de ce site-là, de l'îlot des Palais, avec des sites autres ailleurs qui ont sensiblement la même chronologie, la même histoire en fait, comme celui de Pointe-à-Calière à Montréal ou bien Jamestown en Virginie aux États-Unis, on va se retrouver avec une rareté d'un biote européen dans les premières décennies de l'îlot des Palais, contrairement à des sites où on va avoir un peu plus de présence. Donc c'est jamais coupé au couteau. Il y a toujours un petit mélange. On ne voit pas une scission où on aurait exclusivement des espèces européennes à partir d'une seule date. Okay. Donc, on voit qu'il y a un changement, mais c'est quelque chose qui est plutôt tranquille. Donc, les débuts, oui, c'est modifié avec l'arrivée des espèces européennes, Mais c'est, comme je disais, c'est pas coupé au couteau. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe de tranquille, si on veut. Puis on sait qu'on se retrouve avec un milieu naturel, la rivière Saint-Charles. Bon, c'est sûr que elle va être modifiée comme passage, oui, mais elle reste présente, puis il y a des champs qui sont non labourés. Donc, on voit que l'urbanisation de la ville de Québec, ça a été quand même présent, mais lent. Elle va faire disparaître quelques espèces qui vont être associées au milieu naturel, mais elle va quand même laisser beaucoup de place à ces espèces-là, en laissant un petit peu de place pour les espèces qui sont synanthropiques, donc les espèces qui sont reliées avec les humains. Donc, on ne se retrouve pas avec un remplacement systématique de la flore et de la faune par des nouvelles espèces européennes. Non, exactement. On va apercevoir une communauté qui a partagé le même environnement pendant vraiment longtemps. Et est-ce que les chercheurs réussissent à l'expliquer? Non, c'est ça qui est un peu dommage, mais ça démontre la nécessité de poursuivre les recherches dans le domaine de la colonisation, si on veut. Est-ce que l'îlot des palais est unique en son genre? Mais j'en doute fort. Bon. Alors, aucune raison, en effet, qu'on ne trouve pas de ces plantes exotiques sur d'autres sites. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.